a le charme, elle a la classe, elle a tout ce qu'il faut. À première vue, cette demoiselle a zéro défaut. Elle illumine la piste comme 10 000 cristaux. Ne pas lui avouer, pour moi, serait un mytho. Et le pire, c'est qu'elle sait se déhancher. Ça fait un moment que je la regarde danser. Elle a le boum boum magique qui fait boum à chaque pas. Elle me laisse sans foi. Bouge ton bas de gale formé. Nous qui a mis il juste à fin l'ennuit, baby. Et oublier ni d'autres amis. Fais qu'on s'y tenait seulement faux NP, baby. Et bouge ton bas de gale formé. Nous qui a mis il juste à fin l'ennuit, baby. Et oublier ni d'autres amis. Fais qu'on s'y tenait seulement faux NP, baby. Quel est cet homme que me veut-il? Pourquoi me regarde-t-il avec tant d'assistance? Pourtant des femmes t'es ni en pile. Je ne peux pas me taire et rester dans l'ignorance. Peu à peu, pas à pas, il s'approcha de moi et me demande une danse. Une simple et unique danse. Je vais me regarder moi en yeux. Au soir, c'est un nom tous les deux. Elles sont parées pour chaler à mon teint. Mais tout le monde qui l'a. Pas besoin de qu'on les oublie, près nous qui voyageait. Les malles, m'a pas besoin de pas la peine nous flipper, baby, y'a nous aller. La fin l'ennui, baby. Et oublier ni d'autres amis. Fais qu'on s'y tenait seulement fou NB, baby. Et bouge ton bas de gueule formé. Nous qui y a mis et juste la fin l'ennui, baby. Et oublier ni d'autres amis. Fais qu'on s'y tenait seulement fou NB, baby. Et oublier ni d'autres amis. Oublier ni d'autres amis.